Alors, bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 26 ans. Moi, j'ai fait des études en physique et en météorologie à l'université. Et le domaine n'est pas si facile que ça à trouver un emploi. Alors, je me suis tourné vers le bénévolat pour me trouver une expérience de travail concrète dans le domaine. Alors, dans mon CV, ça paraît, ça vaut de l'or, tout ça, faire du bénévolat. Et ça m'a apporté aussi un paquet de compétences que j'ai pu développer que j'avais pas, par exemple en gestion de projet, en communication, aussi en rapport avec les changements climatiques, protection et conservation de la biodiversité, efficacité énergétique, nommez-les, il y en a plein. Alors ça m'a vraiment apporté beaucoup de faire du bénévolat. Et puis, à la fin de tout ça, ce que ça m'a vraiment apporté, eh bien, c'est un nouvel emploi. Grâce à tout ça que je suis allé chercher, eh bien, j'ai pu me trouver un bon emploi dans le domaine de l'environnement. Alors, pour conclure, j'aimerais juste dire que le bénévolat, c'est du donnant-donnant. On fait pas juste donner du temps à un organisme et puis ça nous rapporte rien. C'est sûr que par la suite, là, ça nous rapporte beaucoup. Et je vous encourage beaucoup à faire du bénévolat autour de chez vous, dans votre région ou partout dans la province, même dans le monde. Alors, voilà, bonne chance.